Bonjour à tous. Aujourd'hui, la France compte 350 000 protestants évangéliques, soit 7 fois plus qu'après la Seconde Guerre mondiale. L'essor de cette famille du protestantisme fait beaucoup parler. Les articles sur le sujet se sont multipliés ces derniers mois. Mais que sait-on au juste de ces chrétiens qui gagnent du terrain en France? Pour éclairer votre lanterne, je vous recommande la lecture d'un document épiscopat qui vient de sortir, intitulé « Regard sur le protestantisme évangélique en France ». Ce document publié par le secrétariat général de la Conférence des évêques de France est le fruit d'un travail réalisé par un groupe de conversation évangélique catholique né en 96. Que trouve-t-on dans ce document? Écoutez le père Michel Malèvre, secrétaire de la Commission épiscopale pour l'unité des chrétiens. On trouve une présentation du protestantisme évangélique qui est quelque chose d'assez original, un double ou même triple point de vue. C'est un texte qui a été fait par un groupe donc composé de catholiques et de protestants évangéliques représentatifs d'une très large palette de sensibilité. Deuxièmement, c'est un texte qui présente les évangéliques par des évangéliques, mais en dialogue avec des catholiques. Vous savez, quand des chrétiens, pendant des décennies, ont vécu dans une suspicion, voire des conflits, souvent on a tendance à se présenter en se différenciant de l'autre et dans la polémique. Je crois que l'un des acquis les plus intéressants de ce document, c'est que des évangéliques essayent de se présenter positivement et essayent d'expliquer ce qu'ils croient en essayant de se faire comprendre, alors que nous avons tous un peu notre jargon. Et nous ne mettons pas toujours derrière un même mot les mêmes choses. Et c'est, je pense, l'un des acquis de ce document qui présente l'intérêt au moment où souvent on présente catholiques et évangéliques en termes de concurrence, d'essayer de donner un regard positif sur des hommes et des femmes qui sont avant tout des chrétiens. Et non pas des concurrents. Et dans le document épiscopat sur les évangéliques, on trouve des repères historiques, des éléments pour mieux comprendre la spécificité des églises évangéliques, notamment rapport à l'écriture et au sacrement. Le groupe Conversation évangélique catholique qui a réalisé ce document est né à la suite d'une rencontre en 1996 entre Mgr Daucourt et un pasteur évangélique, Daniel Rivaud. L'objectif de ce groupe, c'est de permettre une meilleure connaissance mutuelle. Le pasteur Daniel Rivaud évoque justement la genèse du projet. On s'est rencontré avec Gérard Daucourt à une rencontre avec Jean Vanier. Et lors de cette rencontre, il y avait un certain nombre de prêtres avec qui nous avons établi des... On n'était que deux pasteurs et puis pas mal de prêtres. Et j'ai fait la connaissance d'un prêtre et nous avons vraiment sympathisé. Et à la fin de la rencontre, je lui dis, mais au fait, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je suis évêque à Iguété, à... Qu'importe le lieu. Et je suis responsable des relations œcuméniques. Ah, alors c'était un peu tout à fait une découverte, je m'attendais pas à ça du tout, mais je crois que ça fait partie des surprises que le Seigneur nous réserve. Et nous avons gardé le contact, et à la suite de cela, nous nous sommes revus, nous avons échangé, nous avons vu qu'il était important qu'il puisse y avoir un dialogue, en tout cas, entre catholiques et évangéliques, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait une ignorance de part et d'autre. Il y avait beaucoup de préjugés de part et d'autre. Je crois que ce qui est important, c'est que les chrétiens, de quelque bord qu'ils soient, puissent peut-être découvrir d'autres frères et sœurs en Jésus-Christ, parce que c'est quand même cela qui nous unit. Alors, justement, le micro vous est ouvert. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le monde évangélique, en quelques mots, comment vous pouvez définir cette famille du protestantisme qui se différencie de ce qu'on appelle les protestantismes historiques, luthériens ou réformés? Alors, c'est vrai, souvent je dis le protestantisme en France se décompose en trois grandes familles. Vous avez les luthériens, les réformés et les évangéliques. Et dans les évangéliques, vous avez tout un ensemble de familles et d'églises dans lesquelles il y a les baptistes, les pentecôtistes, les libristes, les mennonites, l'armée du salut, les méthodistes, etc. Alors, c'est vrai que souvent vu de l'extérieur, j'ai souvent l'occasion de les réaliser, notamment avec des amis catholiques, qui me disent « ça fait tellement d'églises, de chapelles différentes. » Mais je dis, nous n'en avons pas plus que chez vous, peut-être moins, quand on regarde tous les ordres, quand on regarde toutes les communautés qui peuvent exister. Simplement, bon, ce qui fait parfois un peu la difficulté de nous cerner, c'est le fait que nous n'avons pas de pape. Ce qui caractérise, on va dire, le protestantisme évangélique, c'est d'abord, premièrement, ce sont des églises dites de confessants. C'est ce qui veut dire, en jargon plus clair, des chrétiens nés nouveaux, c'est-à-dire pour qui il y a vraiment une expérience, une relation personnelle avec le Christ, et qui de ce fait, par exemple, c'est une des conséquences directes, et qui fait partie aussi de la spécificité évangélique, c'est que nous ne baptisons que les adultes sur confession de foi. C'est-à-dire qu'il faut croire et il faut s'engager à la suite du Christ pour être baptisé. D'abord, en effet, une démarche de conversion, une démarche d'acceptation du message du salut, et après le baptême. C'est en cela, je dirais, nous sommes complètement dans la tradition biblique, où à l'origine, en effet, c'était sur confession de foi que les chrétiens étaient baptisés. Puis alors vraiment aussi pour nous la place centrale de la Bible. Pour vous, c'est un signe encourageant que catholiques et évangéliques, protestants évangéliques, publient un texte. Alors c'est pas un texte officiel, mais un document pour mieux faire connaître la famille évangélique. Indéniablement. Je crois que ça montre le chemin parcouru de part et d'autre. Hein, je dirais le temps entre guillemets des, c'est même pas d'ailleurs des guillemets, le temps des persécutions n'est quand même pas si loin que ça. Et c'est vrai que les évangéliques ont souvent été persécutés non seulement par les catholiques, mais y compris par les luthériens et les réformés. Dans certaines régions de France, ça reste encore des sujets sensibles. Donc j'y vois pour moi vraiment une avancée qui sert le royaume de Dieu, parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est pas la mise en avant de telle ou telle tendance ou telle dénomination, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour faire avancer le royaume de Dieu en France. Le pasteur évangélique Daniel Rivaud, pour vous procurer le document Épiscopat sur les évangéliques, un numéro de téléphone à retenir, 01 45 49 66 36. RCF, la vie des églises chrétiennes. Ce 5 novembre, c'est le dimanche de l'Église persécutée. Cette journée, qui est un événement mondial, est organisée dans plus de 100 pays. Tous les ans, près de 500 églises françaises y participent et quelques 300 000 dans le monde. Son but, permettre aux chrétiens du monde libre de se rappeler du sort des chrétiens persécutés, mais aussi prier et s'informer sur ce qu'ils vivent. Luc Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Église évangélique luthérienne de France. Vous souhaitez interpeller vos concitoyens sur ce thème des persécutions. Vous venez de créer une association Chrétiens Unis à Cunis, dont vous êtes le président. Alors, quel est votre objectif? Notre objectif, c'est de protéger et de soutenir les chrétiens persécutés et de leur venir en aide à travers nos différentes actions, suivant ce que les personnes vont nous demander et suivant nos possibilités. Nous essayons de mobiliser un peu les chrétiens qui vivent en France pour leur faire voir un peu ce qui se passe à travers le monde. Alors justement, revenons sur le terme persécution. Qu'est-ce que ça recouvre? Ce sont des brimades physiques? Ce sont des pressions psychologiques, idéologiques? Il y a tout un éventail, si vous voulez. Bien sûr, la persécution la plus grave, c'est la mort, puisque la chose la plus sacrée, c'est la vie, la plus importante, je dirais. Mais au-delà de ça, il y a des églises dans certains pays que je ne nomme pas pour différentes raisons que vous comprendrez, mais il y a des pays où on appelait l'église chrétienne, on l'appelait l'église des balayeurs, puisque on ne laissait aux chrétiens que cette possibilité, c'est d'être balayeurs. Et dans certains pays, on leur laisse la seule possibilité de travail, c'est d'être par exemple les personnes qui vont nettoyer la ville, malgré leur diplôme ou ce que vous voudrez. Étant donné que vous êtes chrétien, vous êtes considérés comme des citoyens de seconde zone, je dirais, entre guillemets. Donc avec une discrimination possible? Il y a une discrimination possible et avérée, puisque dans certains pays, la foi est écrite sur la carte d'identité. Donc vous allez dans une église, par exemple, il y a d'autres brimades, vous allez dans une église le dimanche matin, on peut vous tirer dessus, vous lancer des pierres. Moi, je me souviens d'une personne qui me racontait déjà en 1947 que quand des chrétiens allaient dans l'église, des personnes s'amusaient à leur lancer des pierres. Et aujourd'hui, ça continue, c'est en augmentation, malheureusement. On ne va pas citer de pays, mais quelles sont les grandes régions du monde où les chrétiens sont persécutés aujourd'hui? Disons que majoritairement, c'est dans les pays vers le Moyen-Orient, vers l'Afrique un peu aussi, mais aussi, étonnamment, on peut voir dans l'article La Vie, on peut voir qu'en Amérique du Sud, Sœur Dorothy, en 2005, a été assassinée, et là, il y a un article dans La Vie qui présente vraiment une personne qui est menacée de mort par des éleveurs parce que cette personne, ce religieux chrétien est engagé auprès des personnes pauvres. C'est lui qui est visé seulement pour cet engagement. Alors vous faites allusion à un article de La Vie du 14 septembre 2006 qui présente effectivement un évêque, l'évêque des Indiens menacés, évêque qui vient en aide aux personnes les plus pauvres. Voilà, exactement. Et qui voit son action entravée. Il a reçu des menaces ? Il a reçu des menaces, bien sûr, tout à fait, des menaces de mort. Il est, comme il dit, le prochain sur la liste. C'est des choses qui, dans un continent qui est majoritairement chrétien, qui est inadmissible et inacceptable. Et on doit, justement, à travers Acunis, on essaye de témoigner de ce qui se passe. Alors, il faut préciser que votre association Acunis est une association écuménique. Vous avez en votre sein des protestants, des orthodoxes ? Voilà, exactement. Ce qui est très important, c'est une association multiconfessionnelle et j'espère que nous pourrons l'être encore plus avec d'autres communautés. Et nous allons par la suite rencontrer ces communautés et j'espère avoir d'autres adhérents. Vous ne voulez pas que l'on oublie ces chrétiens qui souffrent à cause de leur foi ? Exactement, qui souffrent à cause de leur foi et qui meurent surtout à cause de leur foi en 2006. Il faut pas oublier qu'on pense aux persécutions romaines d'il y a à peu près 2000 ans et un peu plus, mais aujourd'hui on persécute et on persécute encore avec plus de force, avec plus avec plus, si vous voulez, c'est caché, mais c'est bien présent malheureusement, et ça il faut pas l'oublier. C'est justement la fonction d'Acunis d'informer les gens et les mobiliser et de venir en aide à ces communautés. Le 5 novembre, c'est le dimanche de l'église persécutée. On peut donc s'unir par la prière. Déjà, c'est une chose très importante. Exactement, par la prière, c'est très important de commencer par cet engagement. L'adresse d'Acunis ? Acunis est à Villeurbanne, 77 rue des Charmettes, 6900 Villeurbanne. Luc Berger, merci. Merci à vous et merci à RCF et aux auditeurs. La Ligue pour la lecture de la Bible souffle ces jours-ci son 70e anniversaire. Installée à Valence, la Ligue a pour objectif de mieux faire connaître la Bible, une œuvre écuménique dont la vocation reste plus que jamais d'actualité, comme nous l'a confié son directeur Marc Dereux. Je crois que c'est important de rappeler le message de la Bible, parce que à travers la Bible, Dieu rappelle qu'il est et qu'il veut se révéler comme un Dieu de la relation. Et donc, à travers notre ministère, ce qu'on cherche, c'est non pas à simplement que les gens connaissent la Bible, mais qu'ils l'utilisent dans leur quotidien, que connaître la Bible, c'est aussi se laisser imprégner de son message pour vivre des relations vraies et des relations profondes avec Dieu qui changent nos relations aussi avec les autres. La Bible n'est pas liée à une culture particulière, n'est pas liée à un pan de l'histoire particulier, c'est Dieu qui se révèle dans l'histoire et donc qui veut atteindre notre quotidien et vivre avec nous aussi notre quotidien. Donc à travers tous les temps, la Bible a le message biblique a sa pertinence et du coup il est toujours actuel. Maintenant à nous de savoir, le présenter, non pas comme un livre poussiéreux, mais comme un livre plein de dynamisme, plein de vie, de le rendre actuel aussi au niveau de ce qu'il peut nous dire comme livre à travers les mots. C'est pour ça qu'il y a de nombreuses éditions bibliques qui existent maintenant et qui aident à comprendre dans un langage actuel, en tout cas le message de la Bible. Le pasteur Marc Dereux, directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible. Dans ce magazine écuménique, nous poursuivons notre grande série sur l'orthodoxie. Aujourd'hui, 9e volet, bien approprié en ce temps de Toussaint, puisque nous allons parler de la mort et des rites funéraires. Retrouvons le père orthodoxe Michel Evdokimov. Je pense que si on ne parle pas de la mort, alors nous, tout simplement, c'est pas la peine d'être chrétien. Pour une raison très simple, c'est que la mort n'existe pas. Si nous la vivions comme chrétiens, c'est-à-dire comme un passage. Et je vais vous citer sainte Thérèse de Lisieux. Elle disait « Je ne vais pas mourir, mais je vais naître à une autre vie. » Et là, elle est profondément chrétienne. J'entre dans la vie, c'est-à-dire je vais passer par ce moment de passage qui est parfois dur, éprouvant, angoissant, tout ce que vous voudrez. Il faut y passer, mais savoir que au-delà, Dieu nous attend. Et Dieu, c'est l'amour. Et Dieu, c'est la lumière. Et Dieu, c'est l'accueil. Et donc, il faut à la fois bannir la crainte et à la fois se livrer en confiance dans ce passage. Alors, concrètement, dans nos liturgies, nous mentionnons les défunts, les membres de la paroisse, de leurs proches, que sais-je. Il y a un moment de la liturgie où nous le faisons. Dans l'Église orthodoxe, quand quelqu'un meurt, on va appeler le prêtre. Et le prêtre va célébrer un service qu'on appelle en russe la panichine. En grec, c'est le mnemosynon, c'est-à-dire la mémoire, garder la mémoire du défunt, voyez, auprès du corps, tant qu'il n'est pas mis en terre. Ensuite, on priera pour le défunt pendant 40 jours. Et le 40e jour, famille et amis se réuniront encore une fois dans l'église pour prier, pour se célébrer encore une fois ce service. Et ensuite, chaque année, parents et amis se réuniront encore pour commémorer les défunts. Donc c'est important. C'est très important. En réalité, il n'y a pas de défunts, il n'y a pas de morts. Il y a des gens qui restent vivants selon des modalités de vie différentes des nôtres. N'est-ce pas? C'est cela la communion des saints. Parce que Christ est ressuscité, tout se base sur finalement la résurrection. Tout se base sur la résurrection de l'homme Dieu. Le Christ était à la fois Dieu, donc lui il était inaccessible à la mort, mais il était homme et il est mort en tant qu'homme. Et il est ressuscité, et parce qu'il est ressuscité, il nous fait ce don de la vie. Un grand spirituel russe disait que nous devons prier non seulement pour les vivants, mais nous devons prier pour les morts. Non seulement nous devons prier pour les morts, pour que Dieu les accueille dans la paix, qu'ils passent ce moment de la mort sans de grandes souffrances, mais nous devons prier pour les morts aussi dans un autre sens. Imaginez que quelqu'un que vous avez connu, que vous avez aimé, meurt avant que vous ayez pu pardonner à cette personne un acte grave qui aura été commis à votre égard. Et ce spirituel russe disait, mais il faut demander pardon à ceux qui sont morts. Donc on peut spirituellement garder contact, en tout cas par la prière. Absolument. Plus que cela, si vous croyez que l'âme de celui qui vient de partir se trouve dans la lumière du Christ, et donc se trouve tournée vers le Christ, et si vous-même, dans votre prière intérieure, vous pensez à cette personne et vous vous tournez vers le même Christ, ne croyez-vous pas que en Christ, vos deux regards vont se rencontrer? Sont unis. Ils vont s'unir. Je dis souvent d'ailleurs à des gens qui ont perdu un être cher, cet être cher se manifestera à vous dans votre vie d'une manière différente que lorsque il était sur terre, il vous parlait, vous pouviez entendre ses paroles, mais cet être cher se manifestera. Et ce même prêtre russe auquel je pense, un jour, à la fin d'un enterrement, il entend une personne dire « Ah, comme je l'aimais !» Il s'agissait de la personne qu'on venait d'enterrer. Et ce prêtre s'approche de cette personne et il dit « Ne dites pas au passé comme je l'aimais, mais dites comme je l'aime !» Parce que votre amour, il est vrai, il est là, il est présent jusqu'à la fin des siècles. Est-ce qu'il y a une manière de figurer, alors figurer, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais la vie après la mort, ce monde, finalement, j'allais dire, qui succède à la vie, mais qui reste la vie et qui est peut-être encore plus la vie, est-ce qu'il y a une manière de le figurer? Il y a beaucoup d'images trompeuses qui circulent, des espèces de personnes qui croient pouvoir dialoguer avec les morts. Non, alors on va laisser cela de côté, si vous voulez bien. Il y a, je crois, une seule manière, non pas de figurer le monde de l'au-delà, parce que ça c'est impossible, mais de l'évoquer, d'en évoquer la présence, et c'est l'icône. Qu'est-ce que c'est que l'icône? C'est la représentation d'un être qui a vécu on ne représente jamais sur une icône des êtres imaginaires ou imaginés. Hein, ça, c'est tout à fait exclu. On ne représente sur des icônes que des personnes qui ont été vues avec les yeux, des yeux humains, les yeux de la chair. Mais ces êtres sont en quelque sorte représentés non pas d'une manière réaliste, mais de telle sorte que par l'étirement des corps, par une certaine légèreté, par un jeu des couleurs, par la profondeur d'un regard centré sur un pôle unique, par cette lumière qui jaillit de l'intérieur de l'icône, ces corps sont représentés comme des corps transfigurés. Oui, au fond, l'icône, c'est la beauté du corps transfiguré. Autrement dit, l'icône représente un petit peu l'image de ce que seront les êtres humains lorsque l'image de Dieu qu'ils portent en eux parvient à son épanouissement le plus lumineux, son resplendissement le plus clair. Je crois que c'est cela. Bon, vous avez une icône, par exemple, l'icône de la résurrection, que l'on met le dimanche au milieu de l'église, elle représente la descente aux enfers. Je peux la décrire en trois mots. Le mouvement de la résurrection n'est pas un mouvement de bas en haut, il est un mouvement de haut en bas. C'est-à-dire que le Christ descend dans le monde des enfers. Le monde des enfers, c'est tout simplement le lieu où se trouvent les âmes des morts. Il a brisé les portes de l'enfer, ça c'est dit dans les Écritures, et la force même de Satan qui règne dans ce monde des ténèbres est impuissante à résister à cette foudre qui fait irruption dans son royaume. Et le Christ, d'une main, relève Adam et de l'autre il relève Ève. Symboliquement, c'est toute l'humanité à qui est proposé ce mouvement de résurrection, de retour à la vie. Je crois qu'il y a là quelque chose de très très fort. Je ne pense pas qu'il faille imaginer d'une manière concrète ces événements. Mais il y a peut-être une autre idée que j'aimerais évoquer devant vous. J'ai parlé de la résurrection comme un mouvement de haut en bas. Est-ce qu'on pourrait pas dire que nous vivons des résurrections dans des morts et des résurrections dans notre vie? Je pensais à des souffrances particulières. Je pense que les enfants qui ont été sous des bombes ou dans des attentats ou des innocents, qui ont vécu ces blessures, ces souffrances, je prends cet exemple si vous voulez, mais on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples de gens qui ont subi des injustices, qui ont été rejetés, qui ont souffert 1000 morts. C'est une expression, n'est-ce pas, entrée dans le langage courant, comme si on pouvait souffrir 1000 morts, comme si une ne suffisait pas. Ce qui prouve bien qu'il y a 1000 morts dans notre vie. Il y a des souffrances dans notre vie. Et lorsque l'être humain arrive à s'ouvrir à cette consolation de Dieu, alors c'est Dieu qui descend en lui. Et c'est ça la résurrection. On peut vivre déjà cette résurrection dans notre vie de tous les jours. Et je vous donnerai un exemple, si j'ai encore une minute. C'est l'exemple d'une dame qui était très malade. Et le prêtre qui l'accompagnait dans les derniers temps de sa vie lui conseillait de prier, sur, n'oubliez pas la prière, vous allez bientôt vous présenter devant votre Seigneur, préparez-vous à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, la dame lui dit, je n'ai plus la consolation de la prière, je ne peux plus prier parce que je suis trop faible, je suis trop fatiguée. Mais il y a une chose que j'ai comprise, c'est que maintenant c'est le Christ qui vient en moi et qui prie à ma place. Et je crois que cette femme, elle était déjà ressuscitée avant de mourir. Le témoignage du père Michel Evdokimov qui clôturera la série sur l'orthodoxie la semaine prochaine. C'est la fin de ce magazine écuménique, mis en onde par Joël Camus. Cette émission est disponible sur cassette ou CD. Pour la commander, écrivez à RCF, service auditeur, 7 place Saint-Irénée, 69 321, Lyon, CEDEX 05.